les yeux mi-clos. Elle est là qui attend depuis très longtemps. Je ne cesse de penser, je voudrais tellement lui dire beaucoup de choses qui sortent de mon cœur. Et tu es là tellement de fois que tu hantes mes rêves. Au-delà des frontières.